Voilà, c'est l'intempestive. Ça fait longtemps que vous êtes ici? 3 semaines. You speak English? Non. Non. Parle farsi. Farsi. Moi, je parle pas farsi. Je suis afghan. D'accord. Et vous, vous demandez l'asile en France? Oui. Oh. École. Oui, tous les jours, école. Cours de français. Cours de français? Fait que ça, non. Après, c'est là, c'est magasin, c'est monsieur, madame, c'est comme ça. C'est chou. Tu comprends chou? Ouais, c'est comme le... Comment ça s'appelle ça? Coiffeur? Ouais, coiffeur. Vous voulez être oui, coiffeur? Ouais, ah, d'accord. Maintenant. Ça, c'est quand même. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Entre les mois de février et d'avril 2009, on s'est rendu à plusieurs reprises au square Villemain, près de la gare de l'Est à Paris. Le printemps arrivait, les jeux d'enfants étaient pris d'assaut, de nombreuses familles et des groupes d'amis discutaient dans l'herbe. Parmi eux, une centaine de jeunes hommes, afghans pour la plupart. Certains jouaient au foot sur un des terrains du square, beaucoup regardaient la partie, d'autres passaient le temps sur les pelouses. Ils étaient partis d'un pays en guerre, à la recherche de l'asile. Le square était le lieu où ils vivaient, où ils dormaient. Les enfants jouaient, et les exilés se demandaient comment ils sortiraient de ce jardin. به خاطر از این افغان ها از بدبختی و بیچارگی و هزار تا گرفتاری های هر مشکل هر کسی که داره میه اما یونان باید اگه یا قانون و حقوق بشر اروپا Non loin de là, passage Dubaï, au Camarès, le collectif de soutien aux exilés du 10e arrondissement tenait régulièrement des réunions d'information pour les exilés. Quelques dizaines de jeunes hommes s'y retrouvaient chaque fois. Tout d'abord, ils vous remercient pour passer votre temps et de sacrifier votre temps pour eux et de les aider au maximum. Donc, ils sont très, très reconnaissants. D'autre part, les réfugiés sont très, très maltraités en Grèce. Tous ces réfugiés, ils sont abandonnés eux-mêmes, ni logement, ni... Ils n'ont aucun aide de la part du gouvernement grec. Donc, ils disent, si cette convention, mais pourquoi, comme c'est l'Europe, pourquoi on les en renvoie en Grèce? C'est un peu le problème, c'est que l'Europe a construit un système, nous on estime que l'Europe a construit un système qui les dissuade de demander l'asile et qui les dissuade de rester en Europe. Donc tous les moyens, c'est de renvoyer les gens vers des pays où ils sont pas pris en charge, etc. Et ensuite, ces pays vont eux-mêmes les renvoyer vers d'autres pays hors de l'Europe. Donc tout ça fait qu'on évite qu'ils puissent rentrer. Voilà, on trouve tous les moyens pour faire des barrières autour de l'Europe et pour que les gens, même une fois qu'ils ont passé ces barrières, ils puissent ressortir le plus rapidement possible. Pour Bamir, mais voilà de cet état-là. Pour décider, quand vous avez dit, c'est urgent, Megan, quand vous avez dit, quand vous avez dit, c'est que vous avez dit, Alors quand vous avez ce dossier de l'OFPRA, le plus important, c'est d'écrire toutes les raisons sur lesquelles vous demandez l'asile. Donc ça veut dire Il faut l'écrire en français. Donc on peut vous filer un coup de main, ou il y a des associations qui peuvent filer un coup de main. Mais ça veut dire qu'il faut expliquer. Alors, les raisons personnelles, comment je peux. Faut expliquer les menaces qu'on peut avoir dans son pays. C'est-à-dire. Tous les dangers qui courent. Voilà, les problèmes politiques, religieux, ethniques, etc. Tout ça. Et il faut donner le plus de détails possible, et notamment sur des problèmes de date. Sur les lieux où se sont passées par exemple les attaques, le nombre de personnes qu'il y avait, est-ce que c'était des militaires, est-ce que c'était des Américains, est-ce que c'était. Donner le plus de détails possible, parce que plus c'est détaillé, et plus on pourra savoir, plus l'OFPRA va considérer que le récit est vrai. چیزی خود را بگویی برش تشریح بده که من مثلا تو مشکل داشت تا مشکل تو مخواستی بگویی مگه ایستو ایز یک جای دیگه سوال Il est arrivé quelque chose pour quelques personnes, dès qu'ils ont commencé à parler, qu'ils ont donné les raisons. D'abord, les questions, c'était hors de leur dossier. C'est arrivé d'avoir de poser des questions hors de leur dossier. Et quand ils commençaient à donner la réponse, on lui dit stop, arrêtez. Alors, on ne leur donne pas le temps de s'exprimer. L'OFPRA, c'était l'Office de protection des réfugiés et apatrides. C'était elle qui recevait les demandes d'asile. Et elle les accordait au compte-gouttes. Quand on essuyait un refus, il y avait une commission de recours, mais elle n'était guère plus généreuse. Donc dans le dossier de l'OFPRA, ce qu'il faut dire, il ne faut pas seulement dire « Je suis Hazara, mon père faisait partie du Jamiat al-Islami et j'habitais à Kandahar » ou je ne sais pas. Il ne faut pas juste dire ça, il faut vraiment tout expliquer, décrire les choses comme si on voyait un film qui se déroulait devant soi. En marge de la réunion, on a discuté avec Suzy, membre du collectif des exilés du 10e. Et donc là aujourd'hui, précisément, cette réunion. Alors donc, on fait ça depuis 5 ans, bientôt 6. Bientôt 6, parce qu'on va être au mois de mars, ça vient de 2003. Donc, en dehors des maraudes, parce que les maraudes, c'est quand même pas très serein. Il y a beaucoup de soucis, surtout pour eux, quoi. Un souci de manger, de trouver éventuellement un abri pour la nuit, des choses comme ça. Les maraudes, très c'était les moments où le collectif de soutien allait à la rencontre des exilés, au Square Villemain, ou bien place du colonel Fabien. Donc, on fait assez régulièrement des réunions comme ça, qui sont faites pour les informer sur la procédure d'asile, sur les lois, sur tout ça. Alors depuis quelques temps, vous allez le voir d'ailleurs certainement si vous restez, depuis quelques temps, ça tourne énormément autour des procédures dites de Dublin, c'est-à-dire qu'ils ont laissé leurs empreintes dans un autre pays et qu'ils se retrouvent complètement coincés à tourner en Europe et à ne pas avoir le droit finalement quand ils sont là de demander l'asile ici. Donc dans un premier temps ils sont complètement désarçonnés par ça, et puis donc on les soutient aussi dans cette procédure, parce qu'il arrive un moment où ils peuvent enfin obtenir l'autorisation de demander l'asile. La plupart du temps dans ce qu'on appelle la procédure prioritaire, c'est-à-dire à toute allure en 15 jours, mais il faut encore tenir jusque-là. Il faut encore tenir jusque-là. Et ce type de réunion, ça sert aussi à les soutenir sur la durée. Parce que tout ça est très long, très difficile, très décourageant pour eux. Pendant ce temps-là, ils n'ont droit à aucun hébergement, ils n'ont droit à aucune allocation, ils n'ont droit à absolument aucune aide pour survivre. Ils sont dehors, ils ont le souci quotidien de manger, de dormir dans un abri, de choses comme ça. Donc sur la durée, il y en a aussi qui viennent, qui ont bien appris comment ça se passe, mais qui ont besoin de soutien sur la durée parce que c'est long, difficile, très décourageant. Et là, tout à l'heure, vous nous avez dit que ça a été créé, le collectif du 10e, suite à la fermeture de Sangatte en 2002. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement quel était l'impact de la fermeture de Sangatte sur Paris, qui est quand même à plusieurs centaines de kilomètres? C'est que à Sangatte, ils trouvaient, non pas malheureusement, des informations sur leurs droits, parce qu'on ne leur en donnait pas dans cet endroit-là, mais ils trouvaient à dormir et à manger. Et la fermeture de Sangatte, c'est soldée aussi par un éparpillement. C'est-à-dire, il y a eu un espèce de tri à Sangat. Il y a ceux qui ont obtenu, par exemple, d'aller en Angleterre. Il y a ceux qui ont obtenu des titres de séjour provisoires en France. Et d'autres qui ont été dispersés, qui ont été emmenés un peu partout en France, parce que ce qu'on voulait surtout, c'est faire disparaître cet endroit, non pas comme on l'a prétendu, parce que ça créait un appel d'air, mais surtout parce que ça se voyait, parce que ça se voyait énormément, et qu'on ne voulait pas que, comme on ne veut pas s'en occuper de ces migrants, on ne voulait pas que ça se voit. Donc on les a dispersés. Mais en fait, ils ont bien entendu, après, cherché à se regrouper. À se regrouper où ? Dans des endroits où il y en avait d'autres, ou forcément sur Paris. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, je ne sais pas où, à Langres, en Bourgogne, ou je ne sais où, seul, ou deux, ou trois, ce n'était pas possible. Donc, fatalement, ils sont revenus sur Paris. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif des exilés du 10e, fin décembre 2005, janvier 2006. 30 à 40 Afghans à peu près se pressent vers 19h ce mercredi 28 décembre 2005, dans l'espace étroit d'un couloir défini par des barrières métalliques. Ils attendent derrière l'église Saint-Laurent la soupe nocturne de l'armée du salut qui, stand monté, les fait patienter sans raison apparente dans le froid. Année après année, le matériel métallique de classement et de rangement des pauvres s'enrichit de nouveaux éléments. Les Afghans ont leur enclos, celui des jeunes où ils forment une masse marine, de la couleur des blousons plus ou moins matelassés qu'on a dû leur donner. 20 ans sans doute de moyenne d'âge. Ils se serrent entre eux pour rire et pour se réchauffer. Au centre de la place, comme une île solitaire, l'enclos des vieux, beaucoup moins nombreux, ne sourit pas. Le mot « sécurité », brillant blanc dans le double marine des vigiles humanitaires, qui ne font rien que le montrer à tout hasard. Tout est en ordre. L'un des Afghans franchit la barrière pour se faire expliquer où il doit aller pour ses démarches. Il montre un prospectus imprimé de France Terre d'Asile, qui lui conseille d'aller à la préfecture. Et c'est tout. Il voudrait bien en savoir davantage pour pouvoir s'y rendre. Par exemple, le nom du service et son adresse. Pourquoi ça n'y est pas, on pourrait se le demander. Ce qui y est, en revanche, c'est qu'il dispose de 2 semaines pour accomplir la démarche. En 2 semaines, on a tout le temps nécessaire à la découverte des lieux les moins signalés. Un de ceux rencontrés samedi, qui parlait anglais, m'a dit encore une fois que certains vont à pied au centre d'hébergement et que souvent il ne reste des places là-bas, alors que le bus a refusé de les prendre. Pomrap, on est allé rencontrer Jean-Michel Santres, également membre du collectif de soutien aux exilés du 10e, et qui assurait très régulièrement les maraudes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce collectif ? Qui est-ce qu'il constitue ? Quand est-ce qu'il s'est créé ? Le collectif il s'est créé après la fermeture de Sangat, donc au moment où les exilés ont commencé à rester plus longtemps sur Paris, puisqu'avant ils y passaient quand même, mais bon, ils n'y restaient pas. Il a été créé par des associations du quartier, les Verts, le Parti communiste, qui... ont vu ces gens, ils ont été alertés par la situation et les conditions de vie des gens qui à ce moment-là étaient sur le parc Allemand-Satragne, donc en haut, enfin, au croisement de la rue du Faubourg-Saint-Denis et du boulevard Magenta. Donc il est constitué actuellement de personnes individuelles, puisque c'est pas un collectif d'organisation en soi, c'est des personnes individuelles appartenant à différentes organisations. Bon, ça peut être aussi bien le MRAP, le GISTI, ATTAC, la LDH, RESF, le PC, les Verts. Et des gens qui sont sur le 10e ou non, mais en tout cas, qui interviennent en tant que personnes, avec la possibilité que donne l'appartenance à une organisation, qui est de relayer une action, ou de l'information, ou du travail sur des organisations qui sont, elles, plus solides et qui peuvent... pour permettre de rendre plus efficace ce qu'on fait. On est allé, nous, au CAMRES la semaine dernière. Quelles sont les autres actions que mène le collectif ? Les autres actions du collectif, les deux objectifs du collectif, c'est d'une part d'apporter de l'information, du conseil, de l'appui en matière de droit d'asile, droit des mineurs étrangers, droit des étrangers, des migrants, que ce soit sur la France ou en Europe, donc essayer de fournir le maximum d'informations pour que les gens qui arrivent ici et qui en fait souhaitent trouver un endroit où se poser et construire leur avenir, pour qu'ils puissent avoir toutes les informations pour prendre une décision. L'autre aspect, c'est être témoin de la situation et des conditions dans lesquelles ils vivent pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics. Bon, ce qu'on a fait régulièrement depuis 3 ans en particulier sur le problème du logement, le logement des exilés, mais aussi le problème des mineurs isolés étrangers. Ce qu'on a fait récemment sur le problème de l'intervention de la police et de la sécurité de la mairie de Paris dans le square Villemain. Bon, voilà, ça c'est les deux aspects là. Donc voir ce qui se passe et interpeller les pouvoirs publics pour faire changer un certain nombre de choses, et de l'autre côté, effectivement, fournir toutes les informations dont ils ont besoin, qui débordent des fois souvent le problème seulement du droit, puisque bon, on leur fournit aussi des informations sur où se soigner, où se vêtir, etc. etc. Oh, excusez-moi. Ça va ? Ça va, vous ? Je vais vous parler bien français. Attends. Saïd ! Attends, c'est moi, mon ami, c'est parler français, c'est bien ? Ouais. C'est bien de se parler avec vous. Ouais. Pas trop. Excuse-moi, mon ami, je retourne en Angleterre ici. Mm-hmm. Je reste 3 ans ici. Vous êtes allé en Angleterre ? Ouais, Angleterre qui m'a envoyé là. Ils vous ont renvoyé en France ? Ouais. Mais maintenant, je sais pas ce que je fais. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, du coup ? Ouais, 2006, septembre 2006. Et vous êtes toujours, vous vivez ouais. dans le parc ? Pardon ? Vous vivez dans le parc ? Non, non. Vous avez un hébergement ? Ouais. Mais maintenant, je sais pas ce que je fais. J'ai rien. Vous avez demandé l'asile ? Et en français, il m'a payé. Qui est, voilà, on voit lui là. Maintenant, j'ai rien. Je sais pas qu'est-ce que je fais pour la vie sous français. Je ne peux pas aller dans autre part. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Vous avez demandé l'asile en France ? Ouais. Et... Ouais, rien, je refuse, mais je sais pas pourquoi. Il me dit rien. Il m'a envoyé une lettre négative, mais il m'écrit pas pourquoi. Ah, ils disent pas pourquoi ? Ouais. Et en Angleterre, vous avez demandé ? Ouais, en Angleterre, j'ai demandé. J'ai dit au français, il dit que voilà, vas-y, je ne peux pas vivre en français parce que je refuse. Il a dit soir au français. Je suis parti en Angleterre, je demandais asile là-haut. Après, il m'envoie français. Français, il a dit ouais, vas-y, il retourne lui en français encore. Je retourne ici et il me donne. Pas de mesures, pas d'argent, pas... Voilà. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez... Ouais. Normalement, je veux vivre, mais il faut commencer quelque part. Vous avez... Il y a un métier comment, que... Moi, je veux pas travailler, je... Bien. Avec son papier, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi un Français, il m'appelle, qui est retourné en français ? Il me refuse, je suis parti en Angleterre, c'est tout. Mm. Il me dit, voilà, envoyez-lui. Il me retourne ici. Maintenant, je suis dans le port, je suis remis dans la rue. Je dors dans la rue. Comment ça ? Et en Afghanistan, vous étiez étudiant ou vous faisiez quelque chose ? Non. Je suis 20 ans, j'ai arrivé à 17h30 ici. Ah oui ? Voilà. Ah oui, très jeune. Oui. Et vous avez envie d'étudier ou de faire un travail précis ou... Où ? Ici ou à... Mais non, j'attends pas que je fasse un travail. Mais dans la vie, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Où ? N'importe où. Si les choses se passent bien, qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais pour moi, c'est comme tout le monde. Un travail, appartement, mais comment ça vit ? Il faudrait commencer, c'est pas vivre, tu dors dans la rue, il n'y a pas de pelote, il n'y a pas de famille. Vous n'avez pas de. Vous avez pas du tout de famille ici, votre famille elle non, est en Afghanistan. Même en Afghanistan. Je ne veux pas aller en Afghanistan, je ne veux pas aller en Angleterre, je ne veux pas aller en Allemagne parce que j'ai fini ici. Encore français aussi, rien. Ce que je fais. Et du coup, vous organisez comment ici ? Vous faites, vous avez des associations qui vous soutiennent. Vous arrivez à faire quoi dans la journée en fait? Et ici. Vous restez ici toute la journée? Mais oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pars, non. Comme la terre, comme Angleterre, ils m'envoient ici encore. Je pars en Allemagne, ils m'envoient ici. Je pars en Finlande, ils m'envoient ici. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Difficile. Et vous comprenez, parce que la France en plus, c'est une situation qui est contradictoire quoi. Parce que la France elle envoie des soldats en Afghanistan. Ouais. Mais quand il y a des Afghans qui viennent se réfugier ici, on les traite mal quoi. Vous pensez quoi vous de la situation par rapport à ça? Je connais pas. Vous connaissez pas? Non, non. Moi j'ai réfléchi à autre chose. Je réfléchis pas sur soldats. Ouais. J'ai putain de problème. Voilà, je réfléchis toujours à... C'est ma vie. Je ne suis pas réfléchi sur autre chose. Afghanistan, mais Afghanistan. Je sais pas. Hein? Bah oui, oui. Ça y est, plus dur. Ah, ça fait 3 ans que vous êtes ici, ouais, ouais. Bloqué dans ce parc. Ouais. Maintenant, et voilà, ici. Sur le parc, parce que là, il y a des Afghans, c'est ça, c'est ça. Ici, essentiellement des Afghans, oui, parce que depuis quelque temps, c'est surtout des Afghans. La plus grande population qui arrive, ce sont des Afghans. On a eu, au long de l'histoire du collectif, essentiellement des Afghans, des Iraniens et des Kurdes d'Irak, qui étaient aussi à ce moment-là, en 2003, en très très grand nombre. Mais depuis, je ne sais pas exactement quand, oui. En plus ça a été progressif, donc on ne peut pas vraiment dater, mais ce sont surtout des Afghans qui arrivent, et de plus en plus jeunes. Paris, en fait, est un peu la dernière étape du parcours avant Calais et puis l'Angleterre éventuellement, hein? Pas forcément. L'idée qu'ils veulent tous absolument aller en Angleterre, ça c'est aussi une légende qu'on a commencé à installer. Déjà, on avait prétendu ça à propos de Sangatte. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Smaïn Lacher, l'enquête qu'il avait fait à Sangatte. La plupart du temps, ils arrivaient là parce qu'il n'y avait rien d'autre, quoi. Mais ils n'étaient pas partis d'Iran, d'Afghanistan et d'Irak en se disant on va à Sangatte. Hein. Je crois me souvenir que dans le livre de Lacher, celui qui avait entendu parler de Sangatte le plus loin, c'était en Italie. Et encore, il y en avait un qui disait oui. Quand j'étais en Italie, il y a des compatriotes qui m'ont dit qu'il y avait un endroit où on pouvait dormir et manger. Mais voilà. Non, ils ne sont pas forcément... ils sont chassés de partout quand ils arrivent en Europe. Et on ne veut pas d'eux. Donc c'est une espèce de fuite en avant. Souvent, ils arrivent en Grèce. C'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Ils risquent de mourir noyés entre la Turquie et les côtes grecques. Quand ils arrivent dans une île grecque, ils arrivent dans ces îles frontières... qui font encore contention entre la Turquie et la Grèce. Et voilà, donc quand ils arrivent là, souvent ils sont accueillis par des commandos de l'armée sur ces plages-là. Et j'aime mieux vous dire que moi je connais bien le pays, l'armée grecque, c'est pas détendre. Hein. Surtout ceux qui sont là en plus pour surveiller les éventuelles ingérences de la Turquie. C'est vraiment des colonels, absolument, absolument. Et dans leur tête, ils sont comme ça. En plus, la Grèce... c'est un pays où, en 1981, il y avait encore plus de Grecs dans la diaspora qu'en Grèce même, quoi. C'est un pays traditionnellement d'émigration. Ils ont voulu rentrer dans l'Europe et ils n'ont pas pensé qu'il allait falloir qu'ils intègrent cette dimension du problème. Et ils sont d'une part pas préparés, Salam, d'une part pas préparés, ni dans leur tête, ni dans les structures. Alors ce qu'ils essayent, eux, surtout, c'est effectivement de s'en débarrasser. Alors la police est très dure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des camps de Patras, mais c'est abominable, abominable. Donc, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de rester là. En plus, on ne leur donne pas accès à la procédure. La Grèce accorde, je crois, 0,05% d'asile par rapport aux pays européens. Mais c'est parce qu'on ne peut même pas approcher la procédure. Ce n'est pas tellement que c'est des refus. Ce n'est pas que ce sont des refus. C'est qu'il n'y a pas d'accès à la procédure d'asile en Grèce. Quoi. Donc, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'ils restent faire là ? Ils vont aller là où, comme ils sont en plus, vous pouvez le voir même à leur tête, hein, de plus en plus jeunes, leur souci, c'est un projet de vie. Et si c'est ici, tant mieux, mais si c'est ailleurs, c'est un projet de vie. Ils sont jeunes, ils veulent s'éduquer, ils veulent se former, ils veulent être utiles à leur pays. Ils ont bien compris que ce pays va complètement à la dérive, que c'est pas là, d'une part, qu'ils pourront vivre leur propre vie à eux, leur propre jeunesse. Ils savent qu'il y en a d'autres qui ont sacrifié la leur avant eux. Et ils ont une avidité d'apprendre. Les premières choses qu'ils nous demandent, c'est à se laver et à se former. Et à prendre des cours et à aller à l'école. C'est les premières choses qu'ils demandent. Bien avant de demander comment on va en Angleterre. C'est pas... Alors après, c'est variable, évidemment, suivant les personnes, suivant les échos qu'ils ont eus. Parfois, ceux qui veulent manifestement partir en Angleterre, c'est ceux qui ont déjà de la famille. Ceux qui n'ont personne, ben, ils attendent surtout... en Grèce, ça n'a pas été possible. En Italie, ça n'a pas été possible. Ben, si ce n'est pas possible en France, on va plus loin. Alors, il y a les rumeurs aussi. Il y a les rumeurs qui disent que là, on peut travailler plus facilement, qu'à tel endroit, on va être hébergé tout de suite, qu'à tel endroit, on va avoir une petite allocation. Alors, ça dépend de l'importance de la rumeur à un moment donné, parce qu'il s'accroche au moins de petit espoir, évidemment. Mais il n'y a pas de généralité. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e en octobre 2008. De nombreux jeunes laissés dehors repartent vers d'autres pays. Et cela est compréhensible. Comment ces deux jeunes arrivés depuis plus d'une semaine après un voyage de plus de 4 mois et ayant passé la nuit du 2 octobre à marcher dans les rues du 10e pour se réchauffer pourraient imaginer leur avenir en France? L'un avait réussi à être accepté dans les bus Atlas mais avait été renvoyé du centre d'hébergement de la boulangerie et avait dû revenir à pied en pleine nuit et sous la pluie au jardin Villemain. La DAS refuse de mettre à disposition les moyens nécessaires, faisant même pression pour que le nombre de mineurs hébergés soit réduit à 50 dans les hôtels de France Terre d'Asile. À l'aide sociale à l'enfance, le traitement des dossiers traîne en longueur et certains agents parfois n'honorent même pas les rendez-vous fixés avec les jeunes. Le dispositif de « protection » entre guillemets fabrique des mineurs en transit, ce qui semble parfois bien arranger les différents acteurs. Et pourtant, nombre de ces jeunes, plus nombreux que les autorités veulent le faire croire, resteraient bien en France. Après un voyage de plusieurs mois où ils ont été battus, mis dans des camps, voire en prison comme ce jeune de 15 ans qui a passé 20 jours en Iran, où ils se sont mis en danger, accrochés des heures sous des camions, un voyage durant lequel ils ont vu certains de leurs compagnons de route disparaître, certains voudraient enfin se poser, construire leur avenir ici. Certains n'ont échappé que de justesse aux expulsions d'Iran où ils vivaient dans des conditions difficiles, sans accès à l'école ou au travail, et sont venus chercher en Europe un endroit où vivre normalement, comme les jeunes de leur âge. Là, vous avez parlé de maraudes tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont les maraudes ? Les maraudes, en fait, pour nous, c'est se rendre en fait sur le lieu où ils sont. Donc, ça peut être au parc Villemain si on a le temps dans la journée, mais bon, c'est pas toujours facile. Et ça peut être le soir, donc soit aux endroits où il y a une distribution de nourriture, donc sur le métro aérien à côté de Barbès, ou place du Colonel Fabien, d'où part le bus Atlas, qui les emmène au centre d'hébergement de la boulangerie Boulevard Ney. Donc c'est les endroits où là on peut les trouver facilement, et donc les endroits où on peut... ils sont au courant qu'on va venir, donc ils peuvent nous demander des infos d'un soir sur l'autre, et ils peuvent nous poser des questions. C'est un moment d'échange avec eux. Bon, voilà. Il y a combien d'exilés actuellement, justement, que vous rencontrez sur les maraudes ? Alors, combien il y en a ? Il y en a, je pense, à l'heure actuelle, ils doivent être en ce moment un peu plus de 200. sur, sans compter les mineurs, hein, donc, mais il doit être un peu plus de 200. Bon, ce qui n'est pas forcément 200 qu'on rencontre, parce que quand même la nuit ils se dispersent, donc on ne les voit pas tous. Mais sur une année, c'est de l'ordre de 3000 qui passent par Paris facilement, peut-être un peu plus même cette année. Et sur ces 3000, il y en a à peu près 700 mineurs, 750 mineurs qui vont passer. Avec ensuite, pour une partie d'entre eux, bon, ils vont rester ici, demander l'asile pour les majeurs, ou se faire prendre en charge par l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs. Et une partie d'entre eux vont partir vers l'Angleterre, mais aussi de plus en plus nombreux vers les pays scandinaves. En moyenne, il reste combien de temps sur Paris ? Difficile à dire. Il y en a. Alors, ça dépend. Ceux qui restent le plus longtemps, c'est ceux en fait qui sont demandeurs d'asile, mais qui vont être sous la procédure Dublin, donc à cause des empreintes prises dans un autre pays, et qui vont donc devoir attendre la réponse. Souvent, pour eux, c'est la Grèce, deux mois et demi. Donc, ils vont rester dehors et qui n'auront pas la possibilité de faire leur demande d'asile avant. C'est deux mois et demi avant la réponse. Et ensuite, en général, pardon, si la réponse est positive, c'est-à-dire si la Grèce accepte la réadmission, éventuellement, s'ils ne veulent pas aller en rétention, ils vont ne pas se rendre à la convocation de la préfecture, ce qui veut dire qu'ils vont attendre six mois après pour pouvoir demander déposer leur demande d'asile en préfecture. Ce qui fait qu'eux, ils vont rester très longtemps. Les autres, j'irais, c'est beaucoup plus court et ça peut aller de quelques heures à quelques semaines. Mais quand on parle de quelques mois sur Paris, c'est vraiment ceux qui sont en procédure de demande d'asile et qui sont bloqués dans leur procédure de demande d'asile pour une raison ou pour une autre, en particulier à cause du règlement Dublin. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif de soutien des exilés du 10e, en juin 2006. La fermeture annoncée de l'antenne Médecins sans frontières du passage du bail sera effective en juillet. Heureusement, ils acceptent encore de recevoir les exilés qui ont déjà un dossier. Cela a permis entre autres d'obtenir des médicaments pour H, qui souffrait d'allergie. Mais ensuite, que va-t-il se passer ? Une discussion avec un médecin, assez en colère contre cette fermeture, laisse perplexe. Sauf en cas d'urgence, il sera difficile de faire soigner les exilés dans les hôpitaux. Celui qui, depuis plus d'un mois et demi, présente une facture du doigt non réduite en sait quelque chose. De la Riboisière à Saint-Antoine, en passant par l'Hôtel-Dieu, sa situation ne s'est guère améliorée. Les jeunes présents, lors d'une discussion avec lui, nous ont proposé d'importer du plâtre d'Afghanistan, vu que cette denrée semblait si difficile à trouver et si chère en France. Et donc vous, ici, vous les aidez en fait à déposer des demandes d'asile, vous faites de l'information. On répond à leurs questions dans un premier temps, et bon, évidemment, leurs questions, ça vient très très vite là-dessus. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? La plupart du temps, ils ont leurs empreintes en Grèce, donc ils sont coincés par cette foutue procédure de Dublin. Et c'est vrai qu'on est bien... On est bien démunis aussi par rapport à ça, parce que toutes ces contraintes qui ont été mises, toutes ces verrouillages de partout, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Il y a des recours contre Berlin, justement, contre Dublin, pardon ? Et non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, ce qui se passe en général, quand ils vont se présenter à la préfecture pour dire qu'ils veulent demander l'asile, donc on leur donne une convocation pour une autre fois, et on leur prend les empreintes, et on les confronte aux fichiers Eurodac pour voir si elles sont dedans. Alors pendant longtemps, avec la Grèce, elles n'y étaient pas toujours, même quand elles avaient été prises. Et au début, ils avaient dû, je ne sais pas comment ils faisaient, ils devaient trier un peu ou ils devaient compter un peu, de ne pas en mettre trop dans le fichier pour ne pas se retrouver après. Bon, ils ont dû se faire taper sur les doigts parce que c'est quand même connu qu'ils passent par là. Et maintenant, presque systématiquement, leurs empreintes sont dans Eurodac. Donc il arrive un moment où un rendez-vous à ce fameux centre d'accueil ou de je sais pas quoi, là, de la rue d'Aubervilliers, où il faut aller faire un tour, parce que c'est très édifiant aussi là-bas. C'est là-bas qu'ils doivent aller pour Paris pour demander l'asile. Il faut aller faire un tour dans... Ouh là là, c'est presque au périph'. Si on avait pu le mettre, bon, c'est le centre pour tout Paris. Je crois que si on avait pu le mettre encore plus loin, on l'aurait mis encore plus loin. Mais bon, là, c'est vraiment au bord du périph', quoi. Donc, ils viennent, ils ont des rendez-vous en général de 15 jours en 15 jours. Ils viennent, et puis un beau jour, on les arrête en disant « Vos empreintes sont en Grèce, donc vous ne pouvez pas demander l'asile ici. » Mais on les arrête au moment de la convocation, c'est ça ? D'accord. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et on les met en centre de rétention. Et on demande à la Grèce leur réadmission. Qu'elle accepte, parce qu'elle est bien obligée, parce qu'elle a signé les conventions européennes, donc elle accepte. Elle refuse rarement. D'accord. Donc régulièrement, il y a des charters qui partent de Paris pour... Non ? Pas du tout. C'est pour l'hypocrisie du système. Ouais. On n'a pas le droit de faire des charters en France. Voilà. On n'a pas le droit. Voilà. On n'a pas le droit. Alors, ils doivent peut-être en expulser quelques-uns en douce de temps en temps. On n'a pas connaissance de beaucoup d'exemples. Non, alors ils restent en rétention. On a beaucoup de mal à prouver leur nationalité. Parce que jusqu'à présent, l'ambassade afghane, puisqu'on parle toujours des Afghans là, où ça se passe un petit peu pareil pour tout le monde, l'ambassade afghane ne les reconnaît pas comme leurs ressortissants. Ils épuisent leur délai de rétention. Ou bien, depuis quelques temps aussi, il y a des jurisprudences au juge des libertés qui les libèrent. Alors, pas sur le fond, hein, parce qu'il ne peut pas, le juge des libertés, il trouve des vices de forme dans la procédure. Par exemple, on les a arrêtés. Moi, j'ai eu le cas de l'un d'eux. C'est peut-être le mieux de prendre un exemple. Il était convoqué à 9h le matin au centre de réception d'Aubervilliers. Il a attendu jusqu'à 13h, alors qu'on savait très bien qu'on allait l'arrêter ce jour-là, puisqu'on avait déjà ses empreintes. Il a attendu son tour jusqu'à 13h. À 13h, on l'a arrêté. On l'a emmené dans un commissariat et on lui a signifié ses droits à 17h30. Le juge a dit trop long. Et il l'a libéré. Mais ça ne règle rien. Ça ne donne pas de titre de séjour, etc. Mais bon, le JLD, maintenant, de plus en plus, sur ses jurisprudences, il les libère. Donc, ils sortent de rétention, ils sont à nouveau... C'est un cycle, en fait. Voilà, absolument. C'est un cycle infernal. Ils arrivent à se maintenir, à survivre pendant 6 mois, il y a cette espèce de petite clause, là, qui vient se greffer. À ce moment-là, s'ils sont restés sur le territoire, ils pourront demander l'asile. Alors, à ce moment-là, ils retournent à la préfecture, on leur redonne une convocation, on vérifie encore 2 ou 3 trucs, et finalement, on leur donne un dossier d'asile, mais en procédure prioritaire. C'est-à-dire, 15 jours après, il faut qu'ils l'aient remis. Il faut qu'ils aient écrit leur histoire, il faut qu'ils l'aient fait traduire en français, il faut qu'ils soient procurés éventuellement les documents à l'appui, etc. Tout ça a une allure folle. Et c'est seulement là que vous intervenez, c'est ça ? Rarement. C'est beaucoup plus les associations qui s'occupent de ça qui font. C'est-à-dire... Alors oui, individuellement, on le fait aussi, on fait des dossiers, mais ça se fait beaucoup à France Terre d'Asile, ça se fait beaucoup au MRAP, ça se fait beaucoup dans les organismes comme ça. Ben, il faut être organisé, il faut avoir des gens dans le bureau, il faut avoir un interprète, il faut faire très très vite, très très vite. Quand on est à la rue, c'est vraiment pas facile, quoi. Vraiment pas facile. Dans une allée du parc, nous croisons un très jeune homme, habillé à la mode, au visage souriant. Il s'approche de nous, il s'appelle Amine. You speak English? What's your name? My name is Amine. Amine, hi, I'm Juliet. Nice to meet you. Nice to meet you. How long have you been here? About 2 weeks. I'm 16 years old. 16? Yeah. And you come from Afghanistan? Yeah, I came from Afghanistan. Now I live in Tursi Hotel. Ça fait 2 semaines qu'il est en France. Okay. Il a 16 ans. Il est logé à l'hôtel. I came from Italia and now my life is very good here. Il me dit qu'il est passé par l'Italie et que sa vie ici est très bonne maintenant. You come to the park every day? No, sometimes. Sometimes I came. Every day we have class. Just Saturday and Sunday, we don't have class. every day. We have class, computer and also French class. Il vient au parc de temps à autre, mais tous les jours il va à l'école. Il profite des week-ends pour venir. Il suit des cours d'informatique et de français. What do you want to, stay in France after? Yeah, I want to stay here. Il veut rester en France. Il veut poursuivre ses études ici. No, I want to study. Yeah, I want to study. I want to continue my lesson. Yeah. And je lui demande si tout le monde peut suivre des cours comme lui. Into class here, but is it does everybody do the same? No. Every persons have age 16, 15, and 14 can go to class, go to hotel, and every persons have ages more than 18 can. Il dit non, ça concerne que les gens qui ont 14, 15 ou 16 ans. Ils peuvent aller en classe et ils sont logés à l'hôtel. Ceux qui ont plus de 18 ans, ils ne peuvent pas. Government must give decide about that person. Je lui demande s'il sait ce que peuvent faire les gens de plus de 18 ans. Il dit, je ne sais pas. C'est le gouvernement qui doit décider ce qu'il peut faire pour eux. Yeah, I'm very happy to stay here, and thanks for government of French, and also people is very good. Il dit, je suis très content d'être ici grâce au gouvernement français. Et les gens sont très gentils. Are going to class right now. Yeah, 14 up to 16. Il dit, on est environ 20 en cours. How many of you? About 20. 20. Yeah. 20 persons. Yeah, okay. 20 persons. Okay. Oh, that's good. Thank you. Il salue un homme allongé dans l'herbe plus loin, qui se masse le genou, une béquille posée à côté de lui. And you got hurt? Here? No. Amine dit, lui, il veut aller en Norvège. He's going to go Norway. Norway, maybe? He wants to go to Norway, yeah. Norway? How long have you been here? How long have you been here? Now he came. Il vient tout juste d'arriver en France. Aujourd'hui même. Today. Oh, okay. Welcome. Welcome. And is life hard here when people are more than 18 because they have to live in the street? And does he know about this already? No, I can't believe that. Just in Yakhmakhmanas. He is sick, you know? He is sick, but I have to sleep in the park. The weather is not good for me, he told. Il me dit qu'il est malade, mais qu'il doit quand même dormir dans le parc, que c'est pas bon pour lui. Cormac est en Afghanistan? No. En Afghanistan, il n'avait pas de travail. He was free. Free. Il était libre. Okay. Thank you. He came from long way, yeah, Afghanistan. Yeah. C'est un long chemin depuis l'Afghanistan. Yeah, Turkey and Greece is very dangerous way, yeah, in the ocean. Oh, yeah? Entre la Turquie et la Grèce, c'est très très dangereux. Yeah. Faut passer l'océan. Yeah, Turkey and Greece, and after that by track, I came to Italy, and after that the way is easy. Après la Grèce, il faut prendre un camion pour aller jusqu'en Italie, et après c'est facile. About 5 months. Ça a pris environ 5 mois pour venir. Difficult. Very, very difficult. Yeah. C'est dur. C'est très très dur. For me it's easy, but he is very very strong. Pour moi c'est facile, mais pour lui ça demande beaucoup de force. He came from Afghanistan. Can he get cured here? Mais que Malija. Je me demande si l'homme qui a mal à la jambe peut se faire soigner ici. No. Il dit qu'il ne veut pas. He wants to go to Norway and I think the Norway will cure. Amine dit il veut aller en Norvège. Il pense qu'en Norvège ils pourront soigner. Huh? because Norway, he told, because Norway will give soon refugee. France is very difficult. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il veut aller en Norvège. Il dit parce qu'en Norvège on peut obtenir l'asile rapidement. En France c'est très difficile. Friends or family in Norway? Mais quand on famille dans la Norvège? Non. Je lui demande s'il a déjà des amis ou de la famille en Norvège. Il dit non. Thank you. Thank you. Est-ce que vous avez perçu une évolution en fait au sein du collectif des 10e sur la situation des migrants dans le 10e arrondissement? Sur la situation des mineurs, il y a eu quelque chose qui a changé. D'abord parce qu'en 2005-2006, l'hiver 2005-2006, il y a eu une arrivée massive de mineurs afghans qui ne s'est pas arrêtée depuis, c'est-à-dire qu'on a eu une augmentation constante, on est passé de 400 à 700 en 3 ans. Et là, effectivement, devant cette arrivée massive, il y a eu un début de réaction des autorités qui ont mis en place un dispositif largement insuffisant et largement bricolé, mais bon, qui a le mérite d'exister, mais qui est loin de résoudre les problèmes, et en tout cas qui est loin de les remettre dans le droit commun. Et on a toujours, nous, comme revendication, qu'un dispositif digne de ce nom, qui permette la protection effective des mineurs, dans le cadre de la loi sur la protection de l'enfance et de la Convention internationale des droits de l'enfant, soit mis en place. Mais bon, disons que depuis 2005, on en a alors déjà augmentation du nombre de mineurs et bricolage institutionnel mis en place et s'accroissant d'ailleurs d'année en année, puisque de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, qui était la seule structure normalement légale pour la protection de l'enfance, on a mis en place un dispositif financé par la direction de l'action sanitaire et sociale, donc par l'État, en amont. Et depuis cette année, on a, entre ce dispositif en amont et l'ASE, un nouveau SAS payé par le Conseil général, donc par la mairie de Paris. Et en amont du dispositif, un stockage des jeunes dans un accueil de jour où on met des matelas par terre la nuit, où ils sont stockés de 20h à 7h du matin. Et tout ça, c'est pas satisfaisant. Et à notre sens, c'est pas ça la protection de l'enfance telle qu'elle est définie dans la loi. Donc il y a eu des évolutions, mais on est loin d'avoir un dispositif satisfaisant. Pour ce qui est des majeurs, alors, des évolutions, oui, il y en a. Alors il y a eu, par rapport au début, il y a eu effectivement la possibilité de logement. En particulier, il y a eu des pressions qui avaient été faites tout à fait au début du collectif pour qu'il y ait plus de logements attribués en urgence, c'est-à-dire avant le départ en CADA. Et effectivement, sur Paris, il y a quand même pas mal de places d'hôtels, même si elles sont souvent insuffisantes. Donc ça a évolué depuis le début du collectif. Par contre, il y en a de plus en plus quand même, parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent, il y en a de plus en plus qui restent dans la rue. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif des exilés du 10e, en mai 2006. Après l'arrêt du plan d'urgence hivernal le 22 avril, les exilés se sont tous retrouvés avenue de Verdun la nuit, sous la pluie et dans le froid. Ils étaient plus d'une cinquantaine à camper sur le terrain de Boule le 2 mai et une trentaine sur les quais du canal Saint-Martin. Cet entassement de cartons, de plastique, de matelas mousse n'a pas plu aux riverains et aux autorités. Les agents de la sécurité municipale sont intervenus le 13 mai et ont fait enlever tout ce qui était sur le terrain à l'heure où la plupart des exilés étaient partis prendre leur petit déjeuner. Couvertures, duvets, vêtements et autres affaires ont disparu. Ils n'ont gardé que les quelques affaires qu'ils avaient emportées avec eux. Avec ce temps pluvieux, nombreux allaient le soir dormir sous les arcades de la place Raoul Folreau, ce qui a conduit un soir à une longue discussion le 8 mai avec le gardien qui a fini par les laisser se reposer là, à condition qu'ils n'étalent pas matelas et couvertures. Les exilés m'ont dit que les jours précédents, des habitants étaient venus jeter de l'eau sur eux durant la nuit. Le 18 mai, une intervention de la police, dirigée au départ contre la distribution de la soupe aux cochons par l'association d'extrême droite Solidarité des Français, s'est transformé en une opération d'évacuation des Afghans présents à avenue de Verdun et dans le parc. Oui, une évolution peut-être de la dirais, de l'approche ou de la, oui, de la mentalité au niveau des riverains et de la mairie, où progressivement on a l'impression, mais ça serait à confirmer, qu'il y a quand même une prise de conscience des problèmes qu'ils rencontrent et une moindre agressivité qu'au départ, quand en 2003 ils ont vu arriver tous ces migrants. Ceci dit, ça ne va pas jusqu'à chercher des solutions adaptées à leurs problèmes. Ce qu'on cherche surtout, ce que cherche surtout la mairie et une partie des riverains, c'est à diminuer la gêne, soit physique, soit morale, que représentent ces migrants. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont tolérés, par exemple, dans le parc la nuit. La police n'intervient plus dans le parc la nuit. Quand la sécurité est intervenue début février, on a mis un peu de temps avant que la direction de la prévention et de la protection de la mairie de Paris admette que c'était bien ces agents qui étaient intervenus. À partir du moment où ça a été clairement identifié, ça s'est arrêté. À savoir que la mairie du 10e a demandé que ça s'arrête. Bon, alors ça, c'est en termes de vie au quotidien. Moi, ça n'a pas fondamentalement changé. Ils sont toujours dehors. Ils sont toujours en train de faire la queue à l'armée du salut pour avoir des repas dehors, dans la boue des fois. Les conditions d'accueil n'ont pas évolué. Ensuite, ce qui a changé peut-être, c'est qu'il y a plus d'actions auprès des exilés qu'il ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Bon, France Terre d'Asile est plus présent, mais d'autres associations sont aussi plus présentes. Il y a beaucoup plus d'informations qu'il aurait données. Ce qui a pour conséquence aussi une plus grande demande d'asile en France de la part de ces nationalités-là. Là, c'est vrai qu'on s'aperçoit que s'il y a un an, aucune décision de réadmission n'était suspendue. À l'heure actuelle, il y en a énormément, là, depuis ces 3-4 derniers mois, qui ont été suspendus par les juges du tribunal administratif après les référés du fait d'une décision du Conseil d'État. Mais la préfecture de police a trouvé la parade, puisqu'en fait, le motif de suspension était l'absence de traducteur. Parce qu'il est prévu que normalement les personnes doivent être informées du processus dans une langue qu'ils comprennent. Et comme il n'y avait pas de traducteur et aucun document écrit dans leur langue, les juges ont fini par effectivement suspendre ces décisions de réadmission. Mais maintenant la police a trouvé la parade et ils ont sorti maintenant des documents en farsi qui joignent à la convocation en français. Et je pense qu'ils espèrent que les juges considéreront que ces documents en farsi sont suffisants pour que la mesure de réadmission soit valable. Extrait du compte-rendu des maraudes du collectif des exilés du 10e, en mars 2006. HZ aura 17 ans en juillet. Arrivé au début de l'automne en France, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris, sans passer par le juge des enfants, mais après un examen osseux. HZ parle remarquablement le français. Il le lit et l'écrit aussi. La SE l'a affecté dans un centre de mineurs à Noisy-le-Sec. L'ennui, c'est que le centre est fermé. Un internat avec très peu de liberté crée évidemment des difficultés pour des gamins qui ont parcouru le monde en toute autonomie. Résultat, HZ a pris ses clics et ses claques et se trouve à la rue dans les parages de la gare de l'Est. Il voudrait une aide pour être installé dans un foyer plus humain, moins violent, plus ouvert. On lui explique qu'on ne choisit pas son foyer. Devant l'église Saint-Laurent, c'est la canalisation habituelle par des barrières métalliques. La division de l'espace évoque les foires animalières. Là, les animaux sont des hommes. Quand les avions ont été servis, ils viennent demander à Nourouz et à Toufan, les deux réfugiés qui m'accompagnent, qui je suis. Comme j'ai dû être présenté comme spécialiste des papiers incompréhensibles, les documents sortent des poches. Ils me les tendent. Ce sont des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, 2 de Lille et 1 de Calais. Ils sont tout frais. 3 ou 4 jours. Un est encore dans les temps du recours. 48 heures pour une notification de la main à la main, à une heure près. Tous ont la particularité de ne comporter aucune indication des voies de recours, ce qui les rend nuls. Les préfectures ne s'embarrassent pas du droit le plus élémentaire avec les exilés. Dans la population afghane, est-ce qu'il y a vraiment, ou iranienne ou irakienne, est-ce qu'il y a une évolution? L'arrivée de familles en nombre et toute l'année, y compris l'hiver, ce qui n'arrivait pas. On a dû avoir plus de 50 ou 60 familles qui sont arrivées cette année, contre peut-être une vingtaine l'an dernier. Y compris d'ailleurs, il y en a une qui est arrivée il y a 2 jours. Donc en plein hiver, on a continué à avoir arrivé des familles, ce que moi j'avais jamais vu en 3 ans. Et c'est quand même inquiétant sur l'état des pays d'où ils viennent et la dégradation des conditions dans lesquelles ils peuvent vivre en Iran, en Afghanistan, au Pakistan ou en Irak pour ceux qui viennent du Kurdistan. Et d'ailleurs, ça c'est bon, un des problèmes qu'on a, c'est essayer de faire comprendre aux autorités que c'est pas parce qu'on les accueillera mieux qu'il y en aura plus qui viendront, mais que s'ils viennent plus nombreux en France, c'est d'abord parce que les conditions dans les pays où ils sont se dégradent. Et c'est ça qui les fait partir, et c'est pas parce que à Kaboul on saura que Gare de l'Est il y a 3 places supplémentaires dans un hôtel que ça les fera venir. Mais ça reste quand même le discours majeur des autorités, l'appel d'air, le risque d'appel d'air si on accueille mieux, et l'autre aspect étant, ils sont en transit, donc à partir du moment où ils sont en transit, pourquoi s'en occuperait-on ? Un jeune homme, regard triste et vide, s'approche du groupe avec qui nous discutons. از کل جا فرستم کار میکنم فرانسه، آلمانش، بلژیکش، ایتالیایش، کلش کار میکنم چی کار میکنم؟ چی کار تم استاد افغانستان؟ هیچ کار نتونستم لوی که دی 32 pays qui partirent pour Afghanistan aider les gens. Ça fait 8 ans que passé, rien n'a aidé. Monsieur qui... Lui qui dit, ça fait 8 ans qu'il est arrivé ici, tous les Européens. Allemand qui dit tu fingerprint par France, Grèce, Belgique. Belgique, ça fait 8 ans qu'il les cherche. Qui tourne entre les différents pays. Différents pays, oui. 8 ans. Béquet, Adjib, à ce moment-là. Lui qui ça fait 8 ans que pas bien passé pour lui. Lui qui est maintenant décidé choisit un chemin pour partir d'Afghanistan. Il veut rentrer en Afghanistan. Il voudrait être mort en Afghanistan, c'est beau. Mais c'est pas beau 8 ans qu'il habite ici. بگون جام مطمئن خب افغانستان نمیشیم من گفتم که این حاضر شده که در مردن خود ما برم ولی دیگه زندگی دیگه زندگی چی بدار من j'ai pas compris. Il dit c'est mieux d'être mort en Afghanistan que d'être ici comme exilé. Oui, à cause de ça qu'il lui dit, ça fait 8 ans que lui cherchait chaque pays, n'importe quel pays Europe, que cherchait partir. Chaque pays envoyait une fois France, Grèce, Belgique, Hollande. Comme ça, passé pour lui. Maintenant aussi, lui, problème d'Afghanistan. Lui voudrait nous choisir. Lui qui dit, nous choisir. Je partir, quelqu'un que tu es, moi, je suis content. J'ai accepté ça, partir. Mais pas habiter ici. Dans 8 ans qu'elle est passée, lui est mineur avant, petit, garçon, maintenant lui est majeur. Maintenant, ça fait 8 ans que lui rien n'a aidé. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Merci. Merci beaucoup. C'était l'intempestive avec la première partie d'un documentaire réalisé avec Guillaume Yom à propos de la situation des exilés dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez retrouver l'ensemble des comptes rendus de Maraude lus au cours de ce documentaire sur le site du collectif de soutien www.exilés10.org. Cette émission sera rediffusée mercredi 10 juin à 10h sur FPP et elle restera disponible avec une documentation sur www.intempestive.net. La seconde partie du documentaire sera, elle, diffusée le jeudi 18 juin à 17h, toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ?